Chapitre 17e, entre la vie et la mort. Une nouvelle année commençait. Le bonheur d'Isabelle eût été parfait sans Mademoiselle Carlyle. Mais cette personne infligeait encore sa présence à East Lyne et faisait le supplice de la maison. Elle avait, il est vrai, pour Lady Isabelle, tous les dehors de la déférence. Mais la véritable maîtresse était elle-même. Elle ne laissait guère à Isabelle que le rôle d'automate, contrecarrant ses ordres, trompant ses désirs, condamnant tacitement toutes ses actions avec une impérieuse autorité. La pauvre Isabelle, avec ses manières si douces et son tempérament si timide et si sensible, pouvait-elle songer à lutter contre une femme d'une âme aussi forte? Elle subissait, dans sa propre demeure, le joug pénible qu'on lui imposait. Carlyle ne supposait rien de tout cela. Ne se trouvant chez lui que le matin et le soir, et dans ces moments-là, seul avec sa femme et s'absorbant chaque jour davantage dans le soin de ses affaires, qui ne cessaient de s'accroître, il ne soupçonnait pas que quelque chose allait mal. Un jour éclata un conflit résultant d'ordres contradictoires donnés par les deux femmes. Il y eut une commotion dans la maison. Mademoiselle Carlyle retira immédiatement ses ordres, mais il y mit une mauvaise grâce pire que jamais. Alors Isabelle fit entendre à son mari qu'il pourrait être plus heureux s'il vivait seul. Mais en lui parlant, sa joue rougissait, son cœur battait, comme s'il eût été injuste à l'égard de Mademoiselle Carlyle. Il proposa à sa sœur de retourner chez elle. Au lieu de lui répondre, elle l'accusa de parler pour Isabelle. Avec sa franchise ordinaire, il lui avoua la vérité sans détour. À l'instant, Mademoiselle Carlyle courut trouver Isabelle pour la prier de lui dire quel mal elle lui avait fait et pour lui demander si la maison n'était pas assez grande pour qu'elle puisse y occuper un petit coin. Isabelle, qui craignait de blesser même un ennemi, fit de véritables excuses et pria ensuite son mari de ne plus songer à ce qu'elle lui avait dit. Il n'y pensa non plus. Pas un jour ne se passait sans que Mademoiselle Carlyle, à force d'insinuation, ne fit comprendre à Lady Isabelle quel coup malheureux Carlyle, en l'épousant, avait porté à ses propres intérêts et quelles énormes dépenses il avait dû faire par suite de ce mariage. Le cœur d'Isabelle en était navré et l'en vint à se regarder avec effroi comme une espèce de vampire qui dévorait Carlyle, au moins quant à la bourse. Lord Mount Severn, accompagné de son jeune fils, leur avait fait une courte visite à Noël. Et Isabelle leur avait demandé, sans avoir l'air d'y attacher d'importance, si Carlyle, en l'épousant, avait dû faire de grands sacrifices et s'il lui avait fallu faire des dépenses et adopter un train de maison incompatible avec ses moyens. Malheureusement, Lord Mount Severn répondit qu'il le croyait et qu'Isabelle lui devait de la reconnaissance pour sa générosité. Elle soupira en entendant ces mots, et à partir de ce moment, elle résolut de tout supporter de la part de Mademoiselle Carlyle. Plus timide et plus sensible qu'on ne pourrait le croire ou même l'imaginer, élevée dans la retraite, avec plus de simplicité et de calme qu'il n'appartient à la fille d'un père d'Angleterre, et tout à fait inexpérimentée, Isabelle n'était pas faite pour lutter avec le monde, et moins encore avec Mademoiselle Carlyle. Le dénuement dans lequel l'avait laissé son père, l'hospitalité qu'elle trouva au château de Marling quand elle fut sans asile, tout jusqu'au billet de banque de 100 livres que lui mit Carlyle dans la main, l'avait pénétrée d'un profond et intime sentiment d'humiliation. Et loin de regarder avec dépit ou avec dédain l'humble position, comparativement parlant, que lui faisait Carlyle, elle se sentait pleine de reconnaissance pour sa générosité. Mais s'entendre continuellement dire que c'était plus qu'il ne pouvait faire, qu'elle détruisait à jamais son avenir, suffisait pour lui aigrir l'esprit. Oh, pourquoi n'eut-elle pas le courage de parler ouvertement à son mari? Il aurait pu, d'un seul mot d'amour et de consolation, guérir la blessure de son cœur et lui rendre le bonheur, en l'assurant que toutes ces misérables plaintes n'avaient de consistance que dans l'esprit bizarre et étroit de sa sœur. Il aurait bien vite réduit celle-ci au silence, mais Isabelle n'en fit rien. Quand Cornélie tombait dans ses accès d'humour noir, elle l'écoutait sans mot dire, ou bien elle cachait son front brûlant dans ses mains. Un jour, c'était au mois de février, Mademoiselle Cornélie s'était abandonnée à une assez longue explosion de fureur dirigée, non pas contre Isabelle, mais contre les domestiques, à propos de je ne sais quel acte de négligence. À l'orage succéda le silence. Isabelle, triste, abattue, l'interrompit en se parlant à elle-même plutôt qu'à Mademoiselle Carlyle. « Je voudrais être à ce soir. Et pourquoi, s'il vous plaît ?»« Parce que Archibald sera à la maison. » Mademoiselle Carlyle grommela. Elle était mécontente. « Vous paraissez fatiguée, Lady Isabelle. »« Oui, je suis très fatiguée. »« Cela ne m'étonne pas. Je serais fatiguée à mourir si je restais là à ne rien faire de la journée. »« Je crois vraiment que cela me précipiterait dans la tombe. »« Il n'y a rien à faire. reprit Isabelle. « Il y a toujours à faire quand on veut en prendre la peine. Ne pourriez-vous pas m'aider à rouler des serviettes ?»« Moi, ourler des serviettes !» s'écrie Isabelle. « Vous pourriez faire pire, madame, » dit aigrement Cornélie. « Je ne m'entends nullement à cette sorte d'ouvrage, » dit Isabelle avec douceur. « Ni personne avant d'avoir essayé. Quant à moi, j'aimerais mieux me mettre à faire ou à raccommoder des souliers que de rester assis sur ma chaise les bras croisés. C'est un péché que de perdre ainsi le temps. » « Maintenant, je ne me trouve jamais bien, » répondit la pauvre Isabelle d'un ton d'excuse. « Le moindre effort m'épuise. Alors je sortirai, j'irai prendre l'air. L'ennui est mauvais pour la santé. Mais depuis que les poneys ont fait il y a 8 jours cette incartade qui m'a tant effrayé, Archibald ne veut plus que je sorte seul. » « Il n'y a rien à dire sur la manière de conduire de John, » répondit Cornélie par esprit de contradiction. « Et en fait d'expérience, il en a tout autant que votre mari, madame. » C'est John qui conduisait quand les poneys ont eu peur. Les poneys ont eu peur une fois. Ce n'est pas une raison pour qu'ils aient peur une seconde fois. Sonnez et dites à John d'amener la voiture. C'est ce que je vous conseille de faire. Isabelle secoua la tête d'un air décidé. Non, dit-elle. Archibald m'a recommandé de ne pas sortir sans lui. À moins que ce ne fût dans la voiture fermée. Il prend tant de soin de moi. Maintenant. Il sait d'ailleurs qu'avec lui, je n'aurais pas peur comme avec le domestique si les poneys venaient à s'effrayer. « Il me semble que vous êtes devenue bien fantasque depuis quelque temps, Lady Isabelle. »« Oui, je le trouve aussi, » répondit-elle avec douceur. « Mais cela passera quand le petit enfant sera au monde. Oh, alors je ne m'ennuierai jamais. J'aurai tant de choses à faire. »« Et nous tous aussi, je m'y attends, » dit Cornélie en poussant un soupir. « Tiens, qui le croirait ? Mais oui, c'est Archibald. Quel motif le ramène à cette heure ?»« Cher Archibald !» Elle s'élança joyeuse et surprise à sa rencontre et se jeta avec bonheur dans les bras de son mari. « Oh, mon bien-aimé, vous revenez, je suis heureuse. Mais quel motif vous ramène ?»« C'est pour vous conduire moi-même en voiture, ma chère Isabelle, » soupira-t-il tout bas, puis il sonna. « Pour que ne me l'avoir pas dit ce matin, parce que je n'étais pas sûr de pouvoir revenir. Pierre, amenez de suite l'équipage au poney. »« Eh bien, voulez-vous donc ainsi ?» demanda Mademoiselle Carlyle. Tandis qu'Isabelle sortait pour s'habiller. « Nous allons seulement faire un tour. »« Faire un tour ?» répéta Cornélie d'un air stupéfait. « Eh bien, voilà un singulier moyen de faire marcher vos affaires. »« La santé d'Isabelle en ce moment m'importe plus que les affaires, » répondit Carlyle en riant. De pareils épisodes n'étaient pas rares. Toutefois, jamais en la présence de M. Carlyle, Cornélie ne laissait s'exhaler sa colère contre Isabelle. Quand elle était seule avec son frère, elle ne le ménageait pas. Mais il y était si bien accoutumé depuis si longtemps que pour me servir du dicton populaire, cela lui entrait par une oreille et lui sortait par l'autre, sans faire d'impression. Il ne lui vint jamais à l'idée qu'Isabelle aussi recevait sa bonne part de ses aigres paroles. C'était un matin de bonne heure au mois d'avril. L'aube était éclairée de quelques lueurs grisâtres. Joyce, assise devant un grand feu dans le cabinet de toilette de Lady Isabelle, tenait ses mains jointes avec une expression de douleur, et des larmes glissaient sur ses joues. Joyce était effrayé. Il se promettait bien de ne plus assister à de semblables tortures. Dans la chambre voisine se trouvait Lady Isabelle, malade jusqu'à la mort. La porte donnant sur le corridor s'ouvrit tout doucement, et Mademoiselle Carlyle entra. Sans doute c'était la première fois de sa vie qu'elle marchait ainsi à pas de loup. Une pelisse épaisse et ouatée l'enveloppait jusqu'aux oreilles. Elle se plaça doucement sur une chaise, et Joyce remarqua que sa figure était d'une teinte pâle et grisâtre comme l'aube elle-même. « Joyce, » dit-elle à voix basse, « y a-t-il du danger ?»« Oh, madame, j'espère que non. Mais cela déchire le cœur à entendre, et cela doit être affreux à supporter. » »« C'est la malédiction commune à tout notre sexe, Joyce. Nous pouvons nous féliciter, vous et moi, d'avoir su nous y soustraire. » Joyce, ajouta-t-elle après une pause. « J'espère qu'il n'y a pas de danger. Je n'aimerais pas qu'elle en mourût. » Mademoiselle Carlyle parlait d'un ton grave et empreint de terreur. Craignait-elle que, si sa pauvre belle-sœur mourait si jeune encore, le fardeau du remords ne pesât toujours sur sa conscience ? Fardeau accablant, sans relâche, lui rappelant sans cesse qu'elle aurait pu rendre plus heureuse la courte année de mariage d'Isabelle, qu'au lieu de le faire, elle avait endurci son cœur à toutes les plaintes de la jeune mère. Voilà sans doute ce qui la préoccupait. Aussi voyait-on sur son visage l'inquiétude et la crainte. « Il y a du danger, Joyce. »« Pourquoi donc pensez-vous qu'il y a du danger, madame ? » dit Joyce en l'interrompant. « Est-ce que les autres femmes ne sont pas aussi malades qu'elle ?»« Il faut espérer que non. » Et pourquoi l'Express s'est-il allé à Lynbrough chercher le docteur Martin ? Joyce tressaillit étonnée. « L'Express est allé chercher le docteur Martin ? Oh, madame, qui l'a envoyé ? Quand est-il parti ?»« Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti. » « Monsieur Wainwright est allé trouver votre maître, puis en sortant de sa chambre, il envoya John au galop au bureau du télégraphe de Westline. Que faisiez-vous donc de vos oreilles si vous n'avez pas entendu le galop furieux du cheval ?»« Moi, je l'ai entendu. Je ne l'oublierai jamais. » Et cela m'a fait une peur qui n'était pas mince. Joyce ne répondit rien. Le silence n'était interrompu que par les cris partis de la chambre voisine. Mademoiselle Carlyle se leva. Et l'imagination aidant, on aurait pu croire qu'elle frissonnait. « Je n'y tiens plus, Joyce. Il faut que j'entre dans cette chambre. »« Tout à l'heure, dans quelques minutes, » s'écria Joyce, en frissonnant réellement. « Non, non, je n'entrerai pas, » répondit Cornelly. « Je ne peux pas leur être utile et dans ce cas-là, mieux vaut rester chez soi. » »« C'est précisément ce que disait M. Wainwright en me congédiant, » murmura Joyce. Mademoiselle Carlyle passa dans le corridor et disparut. Joyce restait à sa place. Le temps lui paraissait bien long. Enfin, elle entendit arriver le docteur Martin, puis entrer dans la chambre voisine. Bientôt, M. Wainwright en sortit et se rencontra tête à tête avec Joyce. La langue de la pauvre femme était enchaînée dans sa bouche, et avant qu'elle eût pu en arracher ces terribles paroles, était-elle en danger ? Il avait disparu. M. Wainwright se rendait à l'appartement où il comptait trouver Carlyle. Ce dernier s'y promenait à grands pas. Il n'avait pas fait autre chose de toute la nuit. À la vue du chirurgien, ses joues pâles s'animèrent. « Wainwright, vous me faites attendre sans pitié. Voilà 20 minutes que le docteur est ici. Que dit-il ? » ?»« Mon Dieu, il ne dit rien de plus que moi. » »« Les symptômes annoncent une crise qui sera sans doute heureuse. Il faut de la patience pour le moment. » Carlyle reprit sa promenade accablante. « Je viens en ce moment vous proposer d'envoyer chercher le ministre Little. Car dans ces cas de douleur prolongée... » À ces mots, Carlyle poussa un cri d'horreur et de désespoir. Le révérend M. Little... était le ministre de Saint-Jude, et le malheureux époux était en proie aux plus terribles appréhensions. « Ce n'est pas pour votre femme. » Se hâta de dire le chirurgien. « Que voulez-vous que fasse un prêtre auprès de votre femme ? Je parle de l'enfant. S'il ne doit pas vivre, ce serait du moins une satisfaction de savoir qu'il a été baptisé. »« Oh, merci, merci, » dit Carlyle, rassuré, et lui serra la main. « Je vais envoyer chercher le ministre. » « Vous en étiez déjà arrivé à conclure que votre femme allait mourir ?»« Non. Et s'il plaît à Dieu, elle vivra encore et vous donnera d'autres enfants, si celui-ci nous est enlevé. »« Puisse Dieu vous entendre, » dit Carlyle du fond de son cœur. Il était bien près de midi. Le révérend M. Little, Carlyle et Mademoiselle Carlyle étaient réunis dans le cabinet de toilette, autour d'une table sur laquelle se trouvait un magnifique vase de porcelaine contenant l'eau destinée au baptême. Joyce, le visage pâle d'émotion, entra dans la chambre, portant quelque chose de semblable à un paquet de flanelle. Carlyle songeait moins à ce qu'apportait Joyce qu'à sa pauvre Isabelle. « Joyce, tout va-t-il bien ?»« Oui, je le pense, monsieur. » Le service commença. L'ecclésiastique prit l'enfant. « Quel nom ? » demanda-t-il. Carlyle n'y avait pas pensé, mais il répondit sans hésiter « William ». Il savait le respect et l'amour d'Isabelle pour ce nom-là. Le ministre trempait ses doigts dans l'eau. Joyce l'interrompit, confuse et les yeux fixés sur son maître. « Mais c'est une petite fille, monsieur. Je vous demande pardon. Il me semble que je vous l'avais dit, mais je crois que je n'ai jamais perdu la tête comme aujourd'hui. » Il y eut une pause et le ministre reprit. « Nommez cet enfant. »« Isabelle Lucie, » dit Carlyle. À ces mots, Cornélie fit entendre un soupir étrange de surprise et de colère. Elle s'attendait à voir nommer l'enfant d'après elle-même. Carlyle avait préféré le nom de sa femme et celui de sa mère. Il ne put voir sa femme que le soir. Ses yeux brillaient en la regardant. Elle devina son émotion et un faible sourire parut sur ses lèvres. « Je crains bien d'avoir manqué de courage, Archibald. Mais soyons reconnaissants que tout soit fini. Cette reconnaissance-là, il faut, pour la mesurer, avoir passé par là. « Vous avez raison, » murmura-t-il. « Ce n'est que d'aujourd'hui que je sais ce que veut dire reconnaissance. » Parce que l'enfant est sauvé. Parce que vous êtes sauvée, ma bien-aimée. Sauvée. Vous me restez, Isabelle. Il dit ces mots à voix basse, approchant son visage de celui de la malade. Ce n'est que d'aujourd'hui que je comprends la prière. la prière du cœur désespéré. « Avez-vous écrit à Lord Mountsavern ?» lui demanda-t-elle ensuite. « Oui, cet après-midi. Pourquoi avez-vous appelé l'enfant du nom d'Isabelle ? Est-il un nom plus joli ? Je n'en connais pas. Pourquoi ne pas vous asseoir près de moi ?» Il sourit et secoua la tête. « Je le voudrais, mais je n'ai que 4 minutes à rester avec vous, et Wainwright est là, à votre porte, la montre en main, pour faire exécuter la consigne. » Il disait vrai. Le zélé chirurgien attendait la porte, et la rapide entrevue finissait qu'elle avait à peine commencé.